La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. On parle désormais de TDAH, les troubles avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On estime que 5% environ des enfants sont concernés. Et comme son nom d'ailleurs ne l'indique pas, l'hyperactivité ou TDAH ne désigne pas seulement un excès ou un désordre de l'activité, mais donc l'association de l'hyperactivité elle-même, de l'inattention et de l'impulsivité. Bref, on va parler de tout ça avec mon invité dans un instant, Gabriel Val, avec lequel nous allons faire un tour de la question de l'hyperactivité de l'enfant pour décrire ses symptômes et voir quels sont ses cause. C'est le dossier de la tête au carré, bien sûr, avec vos messages, vos questions et sûrement vos témoignages. Sur le site de l'émission, vous nous rejoignez bien sûr sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la Lune de la Science. Aujourd'hui, Héloïse, on va parler botanique, mais sur la Lune. Oui, on va parler de cette graine de coton qui vient de germer sur la face cachée de la Lune. Et ça nous intéresse. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré. Les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Bonjour Gabriel Val. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les enfants hyperactifs TDAH, c'est donc le dossier de l'émission dans un instant. C'est important de le préciser ça aujourd'hui, TDAH. C'est important d'autant plus que le terme d'hyperactivité est un terme en effet courant, mais il est à la fois encombrant et trompeur. Allons parce qu'il semble indiquer que l'essentiel du trouble repose sur l'agitation, alors que d'une part l'agitation est facultative au diagnostic, et que l'essentiel repose sur le trouble de l'attention. C'est la raison pour laquelle on peut préférer l'acronyme, alors évidemment ça donne une dimension un peu plus savante, mais on peut préférer l'acronyme TDAH, qui signifie trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. D'accord. Et parce qu'on entend TDA, donc... TDA oui. aussi, hein, on pour peut dire aller aussi, plus vite. On ça peut dire ça aussi... m'arrangerait d'ailleurs entre nous. Bon, hein. Écoutez, si vous voulez gagner du temps, on peut dire TDA. C'est ce que disent d'ailleurs, c'est ce que retiennent souvent les Canadiens francophones, ouais. Puisque finalement le H est facultatif, c'est autant ça. Le faire sauter. Et d'ailleurs, à propos du terme TDAH, si on prend par exemple les associations de parents d'enfants hyperactifs, oui. Eh ben ils préfèrent le terme TDAH. Par exemple, vous avez TDAH France, le collectif TDAH Ouest, etc. Et donc, c'est vraiment un terme qu'il faut retenir parce qu'il explicite le fond de l'affaire, le c'est primum movens de l'hyperactivité. Ouais. On reviendra là-dessus, hein, effectivement, mais il y a un peu cette méprise hein, sur l'aspect hyperactif, finalement. Ce n'est pas la seule méprise qui tourne de autour enfants, de ce syndrome. Absolument. Alors, c'est un syndrome, et d'ailleurs, dans le livre, vous précisez d'emblée qu'il s'agit d'une incapacité et non d'une faute morale. Oui. Pourquoi il faut le préciser tout de suite? C'est parce que c'est vraiment probablement le problème numéro un pour accéder au diagnostic, c'est qu'il y a trois approches. Mmh. Il y a une approche qui pourrait être celle que je vais essayer de défendre aujourd'hui, qui est une approche neurobiologique, oui. C'est-à-dire que ce trouble est un trouble fondamentalement biologique et qu'il ne correspond pas à une faute parentale, qui pourrait correspondre à un problème d'éducation, à un problème affectif, etc. Ce qui est malheureusement la vision majoritaire de la pédopsychiatrie française, c'est-à-dire se précipiter sur des arguments familiaux pour expliquer tout ce qui bouge chez l'enfant. Ouais. Et puis il y a une troisième dimension, c'est la faute de l'enfant. C'est donc l'enfant qui ne veut pas faire des efforts, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas se concentrer. Bref, on l'aspect a un vocabulaire hyper stigmatisant là pour le coup. Hein. Alors c'est non seulement c'est stigmatisant, mais surtout ça fait écran au diagnostic parce que quand vous avez un enfant qui bouge, quand vous avez un enfant qui ne se concentre pas, on va immédiatement se précipiter sur les termes favoris de l'éducation nationale, comme par exemple immaturité, comme par exemple pas de déclic scolaire, ne veut pas apprendre, n'a pas compris le sens du travail et ce diagnostic, si j'ose dire, pédagogique, suffira à ce que rien ne se passe par ailleurs. Ouais. Et on ajoute en général, lorsque l'on parle d'immaturité, bon, il suffira d'attendre quelques années, mais malheureusement, le temps ne fait rien à l'affaire, puisque c'est un trouble qui dure presque autant que la vie. En tout cas, il dure pendant l'enfance et il peut s'améliorer oui, à l'âge même. Adulte. C'est ce qu'on verra. On peut le soigner quand même ou pas alors? Alors oui, bien sûr, mais comme il y a des approches théoriques sur le sujet, il y a évidemment des divergences thérapeutiques pour approcher des soins concernant ce trouble. Est-ce qu'on a déjà envoyé des astronautes TDAH dans l'espace, à votre avis? Vous êtes au courant ou pas? Non, j'avoue que je n'ai aucun patient astronaute. Bon, en tout cas, nous, on va planter du coton là-bas, si vous voulez bien. C'est la Une de la Science aujourd'hui. « Car Héloïse, on retourne sur la face cachée de la Lune, car il s'y passe donc des choses étonnantes. Oui Mathieu, la nouvelle fait la une de la presse ce matin, elle est assez poétique, parce que pendant que nous parlons, une petite pousse de coton est en train de se développer sur la Lune. Ah, c'est beau. C'est très beau. Ce petit miracle a lieu à bord de la sonde Chang'e 4. Chang'e 4, vous savez, c'est cette sonde chinoise qui s'est posée au tout début du mois de janvier sur la face cachée de la Lune. Mm-hmm. Elle est partie pour explorer l'environnement lunaire, mais elle a aussi emmené dans ses bagages des graines de coton, de pommes de terre et de moutarde, et même des œufs de mouche et de la levure. Eh bien, une graine de coton vient de germer. On a même reçu une photo de l'événement. Elle est moche, la photo. Hein. Elle est très moche. Il faut moche. Le dire tout de suite, elle est très très moche. Mais c'est la première fois que quoi que ce soit pousse sur la Lune, c'est donc vrai. Ça vaut le coup d'en parler. C'est vrai. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Francis Rocard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien et vous êtes aussi responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Alors, comme on disait, la nouvelle fait sensation. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une démonstration qui nécessitera beaucoup de suite, mais est-ce qu'on peut faire pousser sur la Lune des plantes? Apparemment, ça commence à pousser, mais ce n'est qu'un tout début, puisque seule la germe de coton a poussé, les autres, on attend d'avoir les infos. C'est la démonstration de quoi, Francis Rocard, alors? Alors, la démonstration, c'est que sur Mars, on va y rester un an et demi, et on va pas emmener les choux-fleurs et les patates, on va emmener les graines. Et donc, il va falloir faire pousser tout ça là-bas, et il faut être sûr que ça pousse. Donc, il va falloir faire des démonstrations à petite échelle d'abord, c'est ce qu'ont commencé à faire les Chinois sur la Lune, et puis ensuite à plus grande échelle, parce qu'après il y a un aspect quantitatif, combien d'hectares faut-il pour nourrir 6 personnes pendant un an et demi. C'est vrai que c'est une jolie nouvelle, mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on fait pousser du végétal dans l'espace. Non, dans l'ISS, donc en gravité zéro, eh bien, on a fait pousser des notamment de la salade et les astronautes l'ont mangée. Donc, elle est comestible. Ah. Jusqu'à maintenant, ils vont très bien, merci. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on savait qu'on pouvait faire pousser des choses, mais maintenant, des démonstrations sont faites. Et après, il faut améliorer le système, commencer à regarder rendement, etc., etc. Alors, pour être bien clair, on n'a pas directement mis une graine dans le sol lunaire. C'est en fait un module qui a favorisé cette germination. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer dans quelles conditions cette graine a germé? Oui, en fait, c'est une petite boîte qui fait 1 ou 2 litres de volume, totalement fermée, étanche, avec un hublot pour que la lumière passe à travers et fasse la photosynthèse qui permet la germination. Et dès qu'ils se sont posés sur la Lune, ils ont mis de l'eau sur les graines, et tout ça est maintenu à bonne température, en présence d'oxygène, et ensuite ils ont pris des photos régulièrement, et ils se sont aperçus que la graine de coton se mettait à germer. Et d'ailleurs, c'est la seule à avoir germé pour le moment. On s'imagine qu'il va falloir suivre l'expérience un peu sur le long terme pour en tirer des conclusions. Oui, il va falloir suivre ça sur le long terme. Alors, ils ont le même module témoin sur Terre pour comparer sur le plan quantitatif la germination des plantes sur la Lune et sur Terre. Est-ce que c'est plus favorable sur la Lune? Est-ce que c'est plus favorable sur Terre? Il y a encore pas mal d'inconnus. Je suis pas sûr que la gravité y soit pour beaucoup. Par contre, l'ensoleillement, est important. Et donc, tout ça doit être quantifié avant de réellement envoyer des serres de grandeur nature pour nourrir un équipage. Vous l'évoquiez un petit peu au début, mais vraiment, est-ce qu'on sait ce que cherchent à prouver les scientifiques chinois avec cette expérience? Il y a plusieurs hypothèses. Où ils veulent en venir avec ces graines? Pardon. Je crois qu'il y a 2 aspects dans tout ça. Le premier aspect, c'est mettre au point un protocole de culture de végétaux pour nourrir un équipage qui, encore une fois, devra rester un an et demi sur Mars. Donc ça, c'est un objectif à très long terme et qui passe par des démonstrations progressives sur la Lune, et ensuite la même chose devra être faite sur Mars. Le deuxième intérêt, c'est aussi que les plantes, par un mécanisme de photosynthèse, absorbent le CO2 et recrachent de l'oxygène. Or, dans les modules d'habitation, que ce soit sur la Lune, sur Mars ou dans l'ISS, les hommes respirent et donc ils recrachent du CO2. Et donc le recyclage du CO2 est également intéressant. Donc ces 2 aspects sont probablement à prendre en compte. Pour l'instant, ce sont des machines qui recyclent le CO2, c'est ça? Oui, aujourd'hui, ce sont des machines qui ont des rendements de l'ordre de 40%, qui sont très énergivores. Ça demande beaucoup d'énergie pour casser la molécule de CO2 sur des métaux à haute température. mais la photosynthèse le fait naturellement. D'où l'idée d'avoir des serres qui absorbent le CO2. Il y a eu même des tests en grandeur nature sur Terre qui ont malheureusement échoué. Mais l'idée est toujours la même, c'est est-ce qu'avec beaucoup de végétation, on arrive à maintenir le niveau de CO2 constant dans un milieu clos? Et c'est pas si simple que ça, mais l'idée est toujours la même. Et pour nourrir un équipage sur Mars, on imagine qu'il faudrait aussi des quantités de plantes et donc des moyens très très importants. Ça vous paraît réaliste à court terme ou moyen terme ? Alors, ça c'est très difficile de répondre à cette question, parce que pour l'instant, personne ne donne de chiffres, mais effectivement, nourrir un équipage de 6 personnes va nécessiter beaucoup de cultures hors sol, donc on n'est pas dans le sol de Mars, on est sur du substrat synthétique dans lequel on rajoute tout ce qu'il faut. On rajoute l'eau, on rajoute les nitrates, toute la nourriture pour que les plantes poussent. Et donc tout ça se fera dans des clés, avec probablement des lampes à ultraviolet pour faciliter la pousse. Et maintenant, tout l'aspect quantitatif reste à être établi. Combien de serres artificielles, combien de modules il faudra poser sur Mars pour nourrir un équipage? C'est pour moi une grande inconnue aujourd'hui. Enfin, rassurez-moi, Francis Rocard, on va pas les nourrir avec du coton quand même, ces futurs astronautes martiens? Alors non, le coton bien sûr que non, mais vous savez, il y a des graines de moutarde. Bon, la moutarde, oui, c'est juste fait pour agrémenter le beefsteak. Mais vous avez des graines de... j'ai oublié, mais vous avez des graines un peu plus intéressantes. Mm-hmm. Vous avez même des larves de mouches. Bon. Donc ça, c'est pas pour faire... ça n'a aucun intérêt d'avoir des mouches dans une station spatiale. Ah oui, non. Mais c'est de voir si ces larves poussent dans un environnement particulier qui est l'environnement de la Lune. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions, Francis Rocard, donc avec cette germination de coton sur la Lune effectuée donc par des Chinois, et ça fait la une de l'actualité dans le monde entier aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, et puis Héloïse, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour éloigner les temps, les humains pourraient gagner à s'inspirer des zèbres. C'est ce que pensent des chercheurs qui publient leur étude dans la revue Royal Society Open Science. Selon eux, les rayures des zèbres exercent un effet répulsif sur les temps et les protègent de leurs piqûres. Et cette ruse fonctionnerait également chez l'homme. Ils ont vérifié cela en exposant des personnes aux insectes et des mannequins humains en plastique recouvert, ou non d'ailleurs, de rayures blanches. Et cet effet anti-temps fonctionnerait en fait avec tous les motifs, car il diminue la polarisation de la lumière réfléchie par le corps, ce qui rendrait donc les chairs humaines moins appétissantes pour les temps. Si vous recherchez une motivation de plus pour vous mettre au sport, une nouvelle étude publiée à grande échelle dans le European Heart Journal peut vous la fournir. Il est connu depuis longtemps qu'une bonne condition physique est un facteur protecteur pour notre santé, mais les auteurs de l'étude affinent les connaissances. Ils révèlent qu'une mauvaise condition cardio-respiratoire et donc une faible capacité de l'organisme à absorber l'oxygène de l'air serait liée à une augmentation du risque d'accident cardiaque. Les chercheurs suggèrent que pratiquer régulièrement une activité physique qui essouffle pourrait aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Et puis enfin, une étude de l'Université des Nations Unies nous apprend que les usines de dessalement des eaux, de plus en plus nombreuses dans le monde, produisent en réalité plus de rejets toxiques que d'eau douce. Pour chaque litre d'eau douce destinée à la consommation humaine ou à l'industrie, une usine rejette en moyenne 1,5 litre de saumure, une boue ultra saline. La plupart des usines proches de l'océan le font directement dans la mer ou dans les rivières et les eaux de surface, où la concentration en sel bouleverse les écosystèmes et accroît la température de l'eau. Allez les enfants, TDAH, hyperactifs ou pas, d'ailleurs on en parle dans un instant. Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, toi t'as tout dit, t'as rien pris, mais tu parles tout comme si, puis tu prônes t'es au-dessus, que tout ça c'est de la rime à deux balles et demi-mots, que t'as même jamais l'utile. Qu'à continue de cracher, t'en auras presque plus que ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. T'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir l'orthographier. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. We'll be right back. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'ai déjà lu que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pélire ou sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire. Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter, l'air qui te trottera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des blabla, des bien plus grands que toi. Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des blabla, juste du brouhaha qui je crois parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Je resterai insensible face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Sensible, et c'était Eddy de Préto. La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter. Depuis l'âge de 2 ans, Max n'a jamais su tenir en place. À la crèche, c'était déjà le seul à escalader, à grimper partout. À courir tout le temps. Infatigable, disait-on. Malgré son agilité, on comptait des bobos tous les jours. Enfant turbulent, Max se voyait comme un héros, courageux. Les repas ressemblaient parfois à la guerre. Mitraillette petit pois, catapulte à purée, rafale de pommes de terre. Enfin victorieux. En réalité, pas toujours. Les vrais problèmes de Max sont arrivés en classe vers l'âge de 6 ans. Il avait du mal à se concentrer sur les exercices. Voilà, ça c'est l'extrait d'un petit film réalisé par Adrien Aunon pour la revue Anae et pour évoquer les enfants hyperactifs TDAH. Donc dossier cet après-midi de la tête au carré avec vous Gabriel Val, puisque vous êtes pédopsychiatre, ancien professeur de psychologie à Paris 7. Et donc ce livre, Les enfants hyperactifs, qui sort chez Que sais-je, entre parenthèses TDAH, évidemment, vous le précisez, après un autre ouvrage que vous aviez publié en 2016 chez Odile Jacob sur les adultes hyperactifs. Et on en avait également parlé avec vous. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec pas mal de questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. D'ailleurs, je vous pose tout de suite la première question qui nous vient de Yann, qui est enseignant et qui aimerait savoir si des études fiables ont démontré une augmentation des cas d'hyperactivité chez l'enfant ces 20 dernières années. Évidemment, en tant qu'enseignant, c'est une impression qu'il a. Et si oui, est-ce qu'on a des pistes concernant les raisons possibles de cette augmentation ? Alors, très globalement, le pourcentage d'enfants TDAH n'a pas varié de façon probablement visible, même si à la marge, on peut imaginer qu'il y ait des facteurs modernes qui pourraient augmenter la fréquence de ce trouble. Mmh. Par exemple, très récemment, on a découvert que les femmes qui prenaient de la dépakine pendant la grossesse, ouais, outre tout ce que l'on sait déjà sur ce médicament, pouvaient éventuellement augmenter le risque de TDAH. Mmh. Mais très globalement, on n'a pas de raison de penser qu'il y a eu une véritable augmentation. En revanche, ce qui est possible, c'est qu'il y ait un autre regard sur le TDAH, mmh, et que l'on est passé d'une phase où les enfants turbulents étaient considérés simplement comme des polissons qui se comportaient de façon subdélinquante, et maintenant on considère peut-être que c'est un vrai problème. Oui, mais alors, c'est-à-dire qu'on avait une tolérance plus grande auparavant ou pas ? Ah ben, on n'avait pas une tolérance plus grande, on les considérait seulement comme des casse-pieds, comme des agités, ouais, comme des mal élevés, etc. Et maintenant on considère qu'un enfant qui est agité, un enfant qui a du mal à se concentrer, c'est peut-être un problème qui mérite non pas l'opprobre, mais qui impose de l'aide. Ouais. Donc c'est ce regard qui commence à changer, parce que c'est loin de, ouais, d'être une généralité dans l'éducation. l'éducation nationale, mais en tout cas un certain nombre maintenant d'enseignants ont compris qu'un enfant qui est agité, un enfant qui est indiscipliné, un enfant qui ne répond pas aux consignes, un enfant qui a du mal à se concentrer, un enfant qui bâcle, un enfant qui refuse le travail, etc., c'est peut-être un enfant qui a besoin de problèmes et qui n'a pas nécessairement besoin de punition. Oui, alors sauf qu'on a l'impression quand même que le polisson d'antan, aujourd'hui, ben justement, il a beaucoup plus de difficultés à s'intégrer dans une classe, par exemple, ou même dans sa famille, hein, avec des parents ou des enseignants qui ont quand même des difficultés aussi à le gérer. Alors c'est une impression qui ne correspond pas à l'histoire de l'enfance, par exemple dans notre pays. Au début du XXe siècle, il y avait des maisons de correction, il n'y en a plus. Donc les enfants qui étaient terriblement turbulents, qui contrevenaient aux règles, on les mettait à l'extérieur du schéma éducatif classique, et donc évidemment on pouvait imaginer que les classes étaient plus sages à l'époque. Maintenant, comme on est dans une période inclusive où les enfants qui ont des difficultés, et c'est une bonne chose naturellement, les enfants qui ont des difficultés restent en classe, forcément en pourcentage de difficultés scolaires, parce qu'un enfant qui est TDAH, il n'est pas seulement un problème pour lui, il est aussi un problème pour les autres enfants, parce qu'il perturbe les autres enfants, il est un problème pour les professeurs, qui doivent évidemment consacrer souvent plus de discipline que de pédagogie, etc. etc. Ouais. Donc par conséquent, on a en effet, avec ce trouble, un certain nombre de difficultés qui peuvent apparaître comme plus fréquentes, mais dont je ne suis pas sûr que la réalité de la prévalence de ce trouble soit véritablement en augmentation. Ouais. Et puis, à l'époque des maisons de correction, il n'y avait pas les molécules dont on dispose aujourd'hui aussi pour permettre à ces enfants de rester intégrés dans les classes. Oui, effectivement, il n'y avait pas de traitement, puisque le seul traitement, c'était un traitement moral, c'est-à-dire la punition et l'exclusion. Alors justement, Guy, un autre auditeur nous dit « J'ai un petit enfant hyperactif, sa scolarité est très difficile et nous, ses parents, sommes très inquiets pour l'année prochaine qui est la classe de 6e et il aimerait savoir s'il existe des établissements pour ses enfants. Nous n'en avons pas trouvé et nous sommes quelque peu désemparés. » Donc on ne va pas lui conseiller une maison de correction, évidemment. Hein. Non, est-ce que ça existe je crois que ça n'existe plus vraiment. Enfin, il y aurait peut-être l'équivalent, ce serait éventuellement les ITEP, etc. Mais c'est en tout cas le seul conseil qu'on puisse lui donner, c'est de ne pas essayer de trouver un établissement spécialisé dans ce domaine, parce que tout simplement parce que, et c'est d'ailleurs quand les Canadiens regardent la façon de procéder des Français, ça les fait un peu sourire, puisque la seule chose que nous savons faire en France lorsqu'un enfant a des problèmes, c'est de le mettre avec d'autres enfants qui ont les mêmes problèmes. C'est à peu près le seul réflexe, si j'ose dire, thérapeutique que nous avons. Donc évidemment que si on met un enfant hyperactif avec d'autres enfants hyperactifs, on n'aura plus une classe, on aura une surboom, et donc je ne suis pas sûr que ce soit un facteur de progression pour un enfant. Alors, ce monsieur s'inquiète pour son fils, donc qui est, si je comprends bien, en CM2, qui va donc rentrer au collège. Il a raison de s'inquiéter, parce que au collège, la tolérance que l'on peut encore observer dans le primaire, souvent n'est plus de mise. Mais il existe encore une fois des traitements. Le problème, c'est que selon que vous tomberez sur un pédopsie qui considère que ce trouble est en lien avec des difficultés affectives et familiales, ou que vous tomberez sur un pédopsie qui considère que c'est plutôt un trouble neurobiologique, le traitement sera pas du tout le même. Donc, il faut bien comprendre que le débat sur le TDAH est très idéologisé. Absolument. Il n'y a pas une science pédopsychiatrique universelle en France qui permettrait, lorsqu'on s'adresse à un pédopsie, de s'adresser à la pédopsychiatrie. On s'adresse toujours à, si on fait une analogie avec la vie politique, on s'adresse toujours à un militant, soit de la cause freudienne. C'est très clivé, absolument. Ouais. C'est même clivé au point qu'il y a des bagarres qui ne sont pas encore physiques, mais en tout cas des bagarres intellectuelles très vives entre ceux qui, par exemple, acceptent, comme c'est mon cas, de considérer que c'est un trouble neurobiologique, de considérer que lorsqu'on a essayé éventuellement une ou deux thérapies et qu'on n'est pas parvenu à des résultats, il paraît assez logique d'essayer un médicament bien connu. Et ce médicament est d'autant plus, à mon avis, légitime qu'il a été découvert il y a plus de 50 ans. Donc on a un recul formidable. Il est prescrit dans tous les pays de la planète. Oui. Donc quand un pédopsychiatre propose ce traitement, il a en sa faveur 50 ans de pratique universelle. Et pour d'autres pédopsychiatres qui sont majoritaires en France, ce traitement est considéré comme une injure presque à la doctrine selon laquelle il ne se peut pas que des troubles chez l'enfant ne soient pas en lien étroit et direct avec une problématique familiale, affective ou éducative. Voilà ambiance, comment se pose ambiance. Le débat. Effectivement, vous l'avez posé, Gabriel Val. Alors, syndrome ou symptôme, finalement, l'hyperactivité, ce qu'on le disait tout à l'heure, c'est toute la difficulté autour de ce vocable hyperactif, hein, qui est très trompeur. Alors, la première question, c'est de savoir si c'est un trouble ou une maladie. Alors, je dirais que c'est un trouble et que ce n'est pas une maladie. Je ferai un parallèle avec la myopie, d'accord ? Quand on est myope, on a un trouble visuel, mais on n'a pas de maladie. En revanche, ça peut entraîner des désordres, par exemple pour la conduite, par exemple pour même la vie quotidienne, pour certains métiers. Mmh. Il est presque impossible d'être myope et de l'exercer sans lunettes. Eh bien, un enfant qui a un TDAH n'est pas malade, il est seulement casse-pied, il est seulement agité, il a seulement du mal à se concentrer, mmh, et il passe toujours d'une activité à l'autre, etc. Donc, sur le plan strictement médical, on ne peut pas considérer que le TDAH soit un problème majeur. Oui. Mais en revanche, sur le plan social, et donc pour ce qui est des enfants sur le plan scolaire, là, on est souvent soumis à un risque majeur au minimum de sous-réalisation, s'il y a une compensation par exemple par une intelligence vive, mais encore le plus souvent à un risque d'échec scolaire. Ouais. Sans compter que l'enfant est soumis à une conflictualité permanente. Pour simplifier, la journée il se fait engueuler par les enseignants, le soir par les parents, et évidemment sur le plan de l'équilibre psychologique, c'est évidemment une très mauvaise chose, parce que les enfants hyperactifs, les enfants TDAH, ne sont pas moins demandeurs de vivre en harmonie avec les enseignants, d'avoir des bonnes notes, d'avoir des félicitations, et ils sont constamment confrontés à l'échec. Donc en rebond, ce trouble neurobiologique cause des problèmes psychologiques qui peuvent être intenses, par exemple l'anxiété ou la dépression. On peut l'observer parce que un enfant qui, toute sa scolarité, est confronté à l'échec, à l'opprobre, aux punitions, alors qu'il n'a qu'une seule ambition, c'est de faire plaisir à ses parents et à ses enseignants, bah c'est évidemment une source de souffrance majeure. Alors vous le disiez tout à l'heure, il peut ne pas y avoir d'hyperactivité motrice, hein, mais on voit bien que le problème, il est plus psychique de ce point de vue, non ? Alors, il y avait un terme avant qui a disparu des écrans, c'est instabilité psychomotrice. Voilà, ça notait bien le fait qu'il y avait une dimension psychologique et une dimension motrice. Mmh. Alors c'est vrai que certains enfants ont une forme dite mixte, où il y a même un troisième paramètre, il y a donc agitation, inattention, impulsivité, c'est le troisième paramètre. J'ajouterai même un quatrième, mais qui n'est pas dans la nomenclature internationale, qui est la familiarité. Les enfants hyperactifs, en général, sont très à l'aise dans leur environnement, c'est un aspect un peu positif, ils ont une convivialité un peu spontanée et naturelle. Ça, c'est la forme mixte. Mais vous avez des enfants qui sont seulement inattentifs, d'où l'expression TDA avec ou sans âge, donc ils sont TDA sans âge ou TDA tout court, et d'autres enfants qui ont plutôt une dominante d'agitation et qui ont une inattention moins marquée. Cette troisième forme est plutôt rare. Donc en effet, vous avez un panel comportemental qui est assez différent d'un enfant à l'autre. Et alors j'ajoute, pour juste un mot, qu'il y a aussi une évolution dans le temps. Pour simplifier, l'enfant agité et inattentif, tôt ou tard, va rester inattentif, mais va avoir une agitation moindre. Donc on peut être TDA avec H à 5 ans et TDA sans H à 15 ans. Et c'est donc le monde des hyperactifs, TDAH plus exactement, que nous explorons avec vous cet après-midi, Gabriel Val. My strength for no end. Falling Hearts, la voix de Jeanne Haddad. Et sur France Inter, dans la tête au carré, Gabriel Val, notre invité à l'occasion de la publication de ce livre, Les enfants hyperactifs TDAH, donc chez Que sais-je, et beaucoup de messages des auditeurs, des parents, des enseignants qui nous rejoignent sur franceinter.fr, Gabriel Val. Aude qui nous dit, est-ce qu'il n'y a pas parfois un diagnostic un peu rapide pour un enfant hyperactif, alors qu'il a peut-être simplement du mal à se concentrer, voire à s'ennuyer à l'école? À 8 ans, mon fils était insupportable en classe. Les instituts me conseillaient de le traiter à la Ritaline, ce que je n'ai pas fait. Aujourd'hui, à 17 ans, il a trouvé sa voie, il suit normalement son cours, même s'il préfère s'auto-former. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage ? Ah, il est clair que un enfant TDAH pourra quand même survivre à son TDAH, même s'il n'a absolument aucun soin. Après, la question qui se pose est de savoir quelle eût été sa destinée s'il avait pu bénéficier d'un traitement. C'est-à-dire que là, bon, je ne connais rien évidemment du parcours de cet enfant, mais peut-être qu'avec le traitement, il aurait pu faire des études secondaires de grande qualité, il aurait pu faire des études supérieures, accéder à un niveau, etc. Il a l'air très heureux, là, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Ah non, mais on peut être très heureux en s'auto-formant, je ne sais pas très bien ce que recouvre ce terme, mais encore une fois, le TDAH peut représenter un obstacle à une réalisation optimale sur le plan scolaire. Donc après, c'est presque un choix philosophique. Est-ce que l'on veut que l'enfant puisse aller au fort de ses capacités intellectuelles, ou est-ce qu'au contraire on accepte un ton en dessous pour ne pas recourir à un médicament ou à un traitement? Oui. C'est un choix. Donc bien sûr que sans traitement, un enfant TDAH peut vivre, mais parfois, sur le plan scolaire en tout cas, et sur le plan professionnel, le fait que toute une enfance ait été encombrée par un TDAH est quand même un obstacle à une existence, disons, heureuse, parfois. Ouais. Bien sûr, on peut être TDAH non soigné et être très heureux, mais disons qu'on ne peut pas quand même considérer que tous les parcours sont équivalents pour un TDAH selon qu'il y ait un traitement ou non. Ouais. Vous le disiez tout à l'heure, hein, l'apparence visible, effectivement, c'est l'agitation, mais le vrai problème, c'est celui de l'attention. Oui. Ouais, c'est ce qu'on retient de C'est ce qu'il de faut ce trouble-là. Retenir, tout à fait. C'est-à-dire que pour simplifier, l'agitation, c'est plutôt un problème disciplinaire, un problème relationnel, pas seulement avec les enseignants, aussi avec les autres enfants. Un enfant agité, impulsif, bousculant, aura parfois du mal à se faire des copains, parce qu'il sera un peu intempestif dans sa façon d'être avec les autres enfants. Et c'est parfois une source de souffrance pour les enfants, parce que ils ont le sentiment de vivre dans un univers hostile. Oui. Et de la part des adultes, mais également de la part des enfants. Et le trouble attentionnel, c'est plutôt un trouble qui aura des conséquences scolaires et qui peut, chez les enfants, même brillants, les confronter à l'échec scolaire. Et c'est d'autant plus douloureux pour certains enfants qu'ils sentent en eux une ambition intellectuelle, une ambition scolaire, mais celle-ci est bridée par le TDAH. Ouais. À quoi ressemble d'ailleurs en général le parcours de l'enfant TDAH alors ? Le parcours de l'enfant TDAH, il dépend du TDAH, mais il dépend bien sûr de plein d'autres facteurs. On n'est jamais TDAH. On est par exemple TDAH et ambitieux, TDAH et anxieux, TDAH et animé d'une immense intelligence, etc., etc. Donc la somme de tous ces facteurs va donner des parcours extrêmement différents. Mais très globalement, le TDAH est un obstacle à la réussite scolaire, à la réussite universitaire. Quand par exemple dans les études statistiques on compare la réussite scolaire ou universitaire, on a très explicitement entre les TDAH et les non-TDAH un très grand écart de réussite. Margot nous dit, est-ce qu'il y a un lien à faire entre la précocité et les TDAH, justement? Elle a 3 enfants qui ont été diagnostiqués précoces, 2 d'entre eux sont hyperactifs, l'un d'eux a beaucoup de difficultés à s'adapter aux exigences scolaires, justement, qui l'ont conduit pour l'un d'entre eux à une dépression. Qu'est-ce qu'on sait de ce lien? C'est une question complexe. Pour simplifier, il n'y a pas de lien, si on veut répondre d'une demi-phrase. Pour simplifier, il n'y a pas de lien, sauf que la précocité intellectuelle en France est très largement présentée sous un angle dramatique. Et donc, souvent, on a tendance à faire une suratribution. Et par exemple, on dira, il est inattentif parce qu'il est surdoué, il est anxieux parce qu'il est surdoué, il a des difficultés scolaires parce qu'il est surdoué. Alors que les statistiques montre exactement le contraire. Le surdon, c'est toujours un facteur de réussite. Toujours, non, mais en tout cas, statistiquement, un facteur de réussite scolaire. Donc, quand vous avez à la fois un surdon et un TDAH, vous avez une chance, le surdon, un problème, le TDAH, et l'un peut compenser l'autre provisoirement. Mmh. Pour simplifier, le talent intellectuel gagne la partie dans le primaire, la gagne pas toujours dans le au collège et la perd souvent au lycée. Ouais. Donc, il peut y avoir un effet de compensation. Si on veut être très concret, on peut dire que quand un enfant a beaucoup de talent, même s'il n'écoute que 5 minutes, ça lui suffit pour gober le cours d'une heure. Donc on va avoir non pas une conjonction de problèmes, mais un problème compensé par une chance. Alors justement, pour essayer de compenser les problèmes d'attention, il y a certaines initiatives qui émergent. L'une d'entre elles concerne les bureaux vélo au CM1. Je ne sais pas si vous connaissez ça et ce que vous en pensez. On va écouter l'extrait d'un reportage de France 3 Bourgogne réalisé en novembre dernier. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. En arrivant, on s'est demandé s'il s'agissait d'une salle de classe ou d'une salle de sport. À côté du tableau et des pupitres, des vélos-bureaux sont apparus il y a une quinzaine de jours. Si l'idée peut surprendre, elle a tout de suite séduit l'enseignante de la classe. On s'est rendu compte qu'on demande aux enfants d'être assis sans bouger toute la journée, alors qu'en fait c'est contraire aux besoins des enfants. Un enfant a naturellement besoin de bouger. Alors on étudie et on pédale. Les enfants se relaient sur les vélos de manière totalement autonome toutes les 20 minutes. On peut s'asseoir partout. On peut s'asseoir sur les ballons, on peut s'asseoir sur les vélos bureaux, parce que ça fait du bien. Les enfants sont séduits et les premiers effets positifs se font déjà sentir. C'est bien, au moins t'arrives à te concentrer un peu. Et quand tu stresses, tu pédales un peu et c'est bon. Quand ils ressentent le besoin de libérer un peu d'énergie, ils peuvent aller sur les vélos. Ça a permis de canaliser certains enfants qui avaient une énergie négative et qui avaient tendance à être agressifs. Gabriel Val. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'en pense plutôt du bien. Toutes les expériences sont bonnes à tenter. Très globalement, les enfants hyperactifs ont besoin de calme pour travailler. Ils ont besoin d'être au calme, c'est-à-dire de ne pas avoir de bruit autour d'eux, de ne pas avoir de distraction, quelle qu'elle soit. Mais il est vrai que certains enfants, et surtout certains adolescents, témoignent de ce qu'ils ne peuvent pas travailler sans musique, sans bruit, sans s'agiter, sans bouger. Ça paraît parfois être une sorte d'imposture pour pouvoir continuer à écouter de la musique tout en travaillant, mais il semble bien, en tout cas certains témoignages m'ont paru suffisamment sincères pour penser en effet que tout n'est pas simple dans le royaume des TDAH et que peut-être en effet l'agitation pourrait éventuellement améliorer l'agitation. C'est possible. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, d'expérience, disons, grandeur nature qui ait démontré cela, en tout cas qui l'ait démontré pour tous les enfants TDAH. Ouais. Sylvie nous dit « Je suis maman d'une jeune fille de 20 ans et je souhaite proposer de rebaptiser ce trouble, trouble de l'intérêt, car comme bon nombre d'entre eux sont en capacité de maintenir leur attention sur un long moment, le système éducatif n'est absolument pas adapté pour ce type d'enfant. » Alors il y a plusieurs choses finalement dans sa réaction. Rebaptiser ce trouble, trouble de l'intérêt, est-ce que ça apporte quelque chose ? Je suis pas absolument convaincu, mais là, c'est la première fois que j'entends cette notion, donc là, vous m'obligez à réfléchir très vite. Ouais. Alors, il y a deux, trois petites choses que l'on peut dire en commentaire de cette proposition. La première, c'est que le meilleur remède naturel du TDAH, c'est la passion. Ouais. Quand un enfant est passionné, il est concentré. Et c'est d'ailleurs un des arguments souvent des parents pour contester le diagnostic sur le thème « Ah ben non, il a vraiment pas de trouble de l'attention, je peux vous dire que quand il est devant un jeu vidéo, il est vraiment concentré, on peut même pas l'en extraire. » Mais en effet, on observe ça chez l'enfant et chez l'adulte, la passion, c'est le meilleur remède naturel. Et ça peut être le jeu vidéo, pour le coup. Ça pourrait être le jeu vidéo, sauf qu'on n'a pas inventé 6 heures de classe par jour, passionnante, enfin en tout cas, pas que je sache. Ça, c'est cela. Alors sinon, non, fondamentalement, je ne pense pas que ce soit un trouble de l'intérêt, parce que l'enfant est confronté à des obligations scolaires. Sauf que comme il décroche très vite, eh bien forcément, il est confronté à l'ennui. Et on a des enfants qui nous explicitent de façon formidable leur détresse. Ils nous disent, à chaque fois que je commence un cours, je me dis, je vais écouter, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, je vais faire un exercice, je vais lire. Vraiment, on sent une formidable envie de réussir, d'être gentil, d'être sage, pour employer leur vocabulaire. Et puis, au bout d'une minute ou deux, ils décrochent. Et donc, ils sont confrontés à une incapacité et non pas à une faute morale. Ça, c'est vraiment très important. Le TDAH, c'est une incapacité, ce n'est pas une faute morale. C'est d'ailleurs ni une faute morale des enfants, ni une faute morale des parents. Allez, on poursuit la discussion avec vous dans un instant. D'autres messages sur franceinter.fr. Qu'est-ce que je peux faire je sais pas quoi faire. Je chante tout le temps dans mes appartements, comme dans une musicale comédie de Vincent Minnelli. What can I do? I don't know what to do. Y'a toujours un printemps dans mes emmerdements. Y'a toujours une étoile qui nuit au milieu de la nuit. Quand tu es triste, je suis triste. Oui, c'est vrai. Quand tu es gay, je suis gay. Mais il me suffit de chanter cet air que vous reconnaissez. C'est quoi cet air? C'est un air de rien, un air de famille, un air de bœuf. Oh oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Je chante tout le temps dans mes appartements, comme dans une musicale comédie de Vincent Minnelli. What can I do? I don't know what to do. Y'a toujours un printemps dans mes emmerdements. Y'a toujours une étoile qui luit au milieu de la nuit. La, la, la, la, la. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est Catherine et Anna Karina qui illustrent parfaitement notre sujet sur l'hyperactivité cet après-midi. La tête au carré. Sur France Inter. Au départ, nous avons été conquis par les effets à court terme. Qu'y a-t-il de plus gratifiant qu'un parent qui vient vous voir au bout d'une journée de traitement en vous disant « Je n'en reviens pas, mon fils se comporte normalement ». Keith Connors a joué un rôle majeur dans la découverte du TDA. Il a mis en place le premier questionnaire permettant aux médecins d'établir un tableau clinique. Il a aussi aidé les laboratoires pharmaceutiques à tester de nouveaux médicaments. À cette époque, il suffisait de dire à un directeur d'école « On teste un nouveau médicament » pour qu'il réponde du tac au tac « Si vous pouviez calmer ces petits cons, je vous en serais reconnaissant. » Diriez-vous que vous avez joué un rôle dans cette industrie? Je pense que j'ai joué un rôle dont je ne mesurais pas l'importance à l'époque. C'est très lucratif pour les médecins d'enchaîner les consultations et de prescrire des traitements à tout va, sans en connaître tous les effets. Voilà les paroles de Keith Connors, du docteur Keith Connors, extrait d'un documentaire diffusé sur Netflix qui s'appelle Take Your Pills, Gabriel Val. Alors effectivement, ce test, vous le connaissez, bien sûr. C'est un test qui fait référence en oui, France. Oui, ça fait partie de l'un des deux, trois, quatre tests qui permettent de mettre un petit peu d'objectivité dans le diagnostic clinique. Ok, donc là, il y a toute la question évidemment des molécules. Oui, il y a une auditrice qui nous parlait tout à l'heure. Évidemment, Connors a une vision très critique de ce qu'il aurait lui-même institué. Ouais. J'espère qu'aujourd'hui, on peut dépasser cela. C'est-à-dire qu'on a quand même un recul suffisant sur la prescription de ces molécules pour véritablement sortir d'un débat un peu critique. Ce sont quand même depuis 50 ans des millions d'enfants, des milliers de prescripteurs dans tous les pays riches de la planète. Il y a environ 75 pays qui le prescrivent. Donc on a véritablement un recul et un volume. Donc la plus connue d'entre elles étant la Ritaline. La plus connue pour ce qui est du principe actif, c'est le méthylphénidate. Ouais. Il y a actuellement, par exemple en France, quatre médicaments qui se partagent, si j'ose dire, le marché, et dont en effet la plus connue et la plus ancienne, c'est la Ritaline. Donc vous dites aujourd'hui, pas lieu de s'inquiéter, on peut prescrire sans problème ces médicaments parce que les décennies de recul nous permettent de voir qu'il n'y a aucun effet secondaire. Ah oui, c'est véritablement un médicament pour lequel on a un formidable recul. Donc si vous voulez, on devrait en principe être rassuré. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre... Dans ce cas-là, il faut mettre tous les enfants sur Ritaline. Non, non, il ne faut pas mettre tous les enfants sur Ritaline. Ah, et il ne faut pas mettre tous les enfants TDAH sur Ritaline. Mais lorsque l'on est confronté à une situation de souffrance scolaire, de souffrance existentielle, parce que je voudrais encore insister sur ce point, être TDAH, c'est pas seulement un problème scolaire, c'est pas seulement un problème disciplinaire, c'est aussi un problème de souffrance existentielle pour l'enfant et pour les proches. Quand on a épuisé, disons, quelques ressources thérapeutiques autres que le traitement, on peut toujours l'essayer pour juger sur pièce. Et parfois, on a des retournements de situation formidables. Si j'ose dire, les principaux adeptes de ce traitement sont peut-être plus les enfants bénéficiaires, qui parfois vous remercient de tout ce que cela a pu changer dans leur vie, plus que les médecins. Ouais, mais alors, c'est quoi exactement cette molécule? Parce que ça consiste en quoi, finalement? Alors, c'est une molécule qui est fondamentalement un psychostimulant, donc ce n'est pas un calmant, faut bien le préciser, c'est le contraire, absolument. Ce qui paraît très oui et non, parce très peu intuitif. Si on considère que le fond de l'affaire de l'hyperactivité, ce n'est pas l'hyperactivité, mais le trouble de l'attention, on va donc donner un médicament qui va permettre d'améliorer l'endurance attentionnelle. Et donc c'est un psychostimulant qui agit pour l'essentiel, la question évidemment est très complexe, on n'a pas encore bien clarifié tout ça, qui agit pour l'essentiel comme dopaminergique. Et en effet, un certain nombre d'études, notamment à l'IRM, montrent que le cerveau des enfants hyperactifs ou des adultes hyperactifs n'est pas toujours semblable au cerveau des enfants non hyperactifs, en ce sens qu'il y aurait dans les régions préfrontales un déficit en dopamine. Ce déficit en dopamine est corrigé par le traitement, de façon suspensive, pas curative. Quand on donne le traitement, ça agit quelques heures, et au terme de ces quelques heures, tout redevient comme avant. Donc ça crédite la thèse neurobiologique que vous défendez aussi, Gabriel Valin. Que je défends sur la base de cet argument, des arguments donc, je dirais, de neurologie objectivée par l'imagerie cérébrale, mais il y a d'autres arguments aussi. Par exemple, nous avons beaucoup d'arguments en faveur d'une génétique du TDAH. Quand on compare, par exemple, alors il y a des centaines d'études, pour les citer, il faudrait 10 heures d'émission, mais j'en donne juste une seule. Dans les pays scandinaves, on a accès au registre d'adoption. Donc on peut comparer les enfants adoptés aux parents adoptifs et aux parents biologiques. Et donc, si on est dans l'hypothèse que ce trouble est en lien avec une problématique familiale, on devrait avoir une relation forte avec les parents adoptifs. Or, cette relation ne s'observe pas, mais en revanche, on chez observe les parents biologiques, une grande relation statistique avec les parents biologiques. Quand des enfants, des jumeaux par exemple, homozygotes, ont beaucoup plus de corrélation de ce trouble que les jumeaux hétérozygotes, que les frères et sœurs, etc., etc. À chaque fois qu'on va dans le sens d'une exploration familiale du trouble sous l'angle génétique, si j'ose dire, on retrouve des facteurs de corrélation très importants. En revanche, quand on essaye de trouver des facteurs de corrélation avec la vie affective, la vie familiale, on trouve très peu de choses. Alors, Gabriel Valle, parce que Fernando, qui nous écrit, vous pose une question que j'aurais aimé vous poser aussi. Il dit qu'il est actuellement au Canada, la proportion d'enfants traités là-bas est hallucinante et les effets secondaires ne sont pas anodins. Anorexie ou insomnie, tout n'est pas rose non plus avec ces molécules. L'insomnie, ça c'est quelque chose qui revient souvent, justement, parce que c'est un stimulant aussi. Alors, je réponds d'abord sur le premier point, c'est-à-dire sur les enfants nord-américains qui sont en proportion hallucinante. Donc, je ne sais pas évidemment ce que c'est une proportion hallucinante, mais évidemment c'est un regard critique qu'il porte sur les américains. Je sais qu'aux États-Unis, on parle de 15% des classes parfois concernées par l'hyperactivité ou TDAH. Dans une classe en particulier, il peut y avoir 15% d'enfants qui sont soignés, mais à l'échelle des États-Unis, on n'atteint évidemment pas ce score. Mais de toute façon, même s'il y avait excès aux États-Unis ou au Canada, il y a une déficience ou un excès contraire en France où la proportion des enfants TDAH qui sont soignés est infime au regard de ce qui apparaîtrait légitime. Donc les excès des uns, les excès éventuels des uns ne doivent pas sous-estimer les déficiences des autres. Alors sur les effets secondaires, c'est le premier point. Alors oui, il y a des effets secondaires, mais justement, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas juger en général de ce médicament. Il faut juger sur pièce. Pour certains enfants, il n'y a aucun effet secondaire. Et par conséquent, le bonheur, le rapport qualité-prix, c'est-à-dire effet recherché sur effet secondaire, est excellent. Donc, en effet, pour certains enfants, c'est problématique, mais on peut essayer. En une semaine, on a les idées claires sur le fait que le traitement est efficace ou ne l'est pas, sur le fait que le traitement est porteur d'effets secondaires ou ne l'est pas. Une minute pour terminer. Les traitements, justement, Gabriel Val, il n'y a pas que les molécules. Non, il n'y a pas que les molécules. On peut prendre en charge la question autrement aussi. Il y a, bien sûr, il y a, alors là, on rentre dans un univers d'une complexité formidable. Il y a évidemment ceux qui considèrent que le trouble est en lien avec une problématique affective, vont plutôt proposer des psychothérapies éventuellement d'inspiration psychanalytique. Ceux qui, au contraire, considèrent que c'est plutôt un problème cognitif vont proposer par exemple des modèles de type neuropsychologique, par exemple l'entraînement cognitif, le neurofeedback, et ceux qui considèrent comme c'est celui que vous avez invité, qui considèrent que c'est un trouble neurobiologique, ne refusent pas a priori le traitement, l'intègrent dans une panoplie thérapeutique. Ce n'est évidemment jamais la seule option, mais ça peut s'intégrer dans une panoplie thérapeutique. En tout cas, pour aller plus loin et puis pour en savoir un peu plus sur les causes aussi que vous évoquez abondamment dans cet ouvrage, Les enfants hyperactifs TDAH, ça vient de paraître chez Que sais-je, et vous en êtes l'auteur, Gabriel Val. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Et puisqu'on parle justement de problèmes de l'attention, le prochain rendez-vous autour du cerveau avec Lionel Nakache, ce sera le 5 février prochain, mardi 5 février prochain à 20h, autour de l'attention et de la concentration, puisque notre monde étant, on le sait, hyper connecté entre autres, et bien nombreux d'entre nous ont des problèmes d'attention. On va essayer d'en parler pour apprendre à les contrôler avec nos invités qui seront nombreux, puisque non seulement Lionel Nakache viendra nous retrouver au studio 104 de la Maison de la Radio et dans 150 salles de cinéma en France, mais également Jean-Philippe Lachaud, qui est neurologue spécialiste des mécanismes de l'attention, la chercheuse en sciences cognitives Elena Pasquinelli, et puis également un magicien scénographe théoricien qui s'appelle Raphaël Navarro, qui va vraiment nous montrer comment on peut détourner notre attention, ainsi que Tatania Mosio Bongoga, qui elle est funambule et qui effectue des traversées entre 15 et 50 mètres d'eau, et là évidemment dans son cas l'attention est particulièrement importante. Vous pouvez aller sur le site de France Inter pour vous inscrire dans les salles de cinéma. C'est donc mardi 5 février prochain, 20h, 2h événement autour de l'attention et de la concentration dans le cadre des conférences sur le cerveau en compagnie de Lionel Nakache. franceinter.fr pour vous inscrire.